Mazembe, oh Mazembe, oh Mazembe, oh Mazembe, oh Mazembe, oh Mazembe, oh Mazembe, oh Mazembe. Kasusulangoi wa bomo l'équipe tout puissant Mazembe a été créé depuis 1930. Mazembe à Moïse. Moi personnellement, j'ai donné le président Paul Gibson à Moïse. Et ses successeurs. Ilunga Muster, président. Chirobo, président. KTB Wakatoto, président. Président Kadiata Troisième, vice-président et le secrétaire Zambouetedos. Voilà, aujourd'hui, nous avons devant nous le nouveau président, son excellence Moïse Tshapwe Katumbi. Georges Arthur Forest, le premier vice-président. Mohamed Kamanya, le deuxième vice-président. Le manager Frédéric Kitenge. Salomo Kalondaidi, le trésorier. Goï Jean Sendoué, le secrétaire. Et le membre d'honneur Kamba Célestin et les autres. Voici l'histoire de l'équipe tout-puissant Mazembe. Montu Baliangwena, Kidia Barobe, Baliangwena Baseka, Kidia Barobe, Wena Aliamontu, Kasongo Kas, Aliamontu Kalila, Ekanga Naenana, Montu Baliangwena, Kutu Trésor, Baliangwena Baseka. Yeah.